lampadaire et moi, on se dandine tranquille, on se dandine au lendemain, mon lampadaire, mon lampadaire, je me dandine comme une légère. On se dandine lentement, mon lampadaire, mon lampadaire. Je me dandine comme une mégère, je me dandine comme une mégère, avec mon lampadaire, avec mon lampadaire.